Bonjour mesdemoiselles. Dépliez vos tapis, on va commencer les exercices. Aujourd'hui je serai accompagnée de... On commence doucement, hein. Jambes fléchies. Plié, plié, plié. Nous remettons encore, donc plié, plié, plié. On lâche. Dis pas moi c'est le chanteur de Vergonde. Depuis 30 toum toum doum. Même si t'es grondé, spécialiste en popotin. Ou dans le passage les reins, illico presto. Zoom, m'y fait danser. Mangez, bougez, bracom. Remerciez-moi c'est cette madame là en forme. M'y fait dans la diététique, ou même l'esthétique. Pas besoin des autres que mina le potion magique. Maintenant il faut tom, tom, tom, tom, tom, tom. Mr. Ramsey, DJ Sepp, Catherine va épeler ça. Tout ce blabla, il fait remplir mon plat. Mi oiseau de poupletti, alors que c'est juste un encas. Ça fait l'ambiance, bah, nous donne l'ambiance, nous. People lui demande, nous répond à la demande, nous. Pastor Official, dans le PC bar, lui fait danser à cette et fait grincer le bon chien. Maintenant il faut tombe, tombe. Merci. Cette vidéo story, là c'est IG, casse les cuillers, c'est Tiberi. Et dis-le, tu wap, mi fly. N'a pas un secret, mais là-bas c'est poum poum. Mais là le show, les dopés. Maintenant il faut tom, tom.